Hamilton, Verstappen, bienvenue sur la F1, un nouveau podcast qui a remplacé Ban et Troquet. Après 6 mois d'attente, on en a ras le cul, on prend leur place. C'est parti, les amoureux de la Formule 1. Salut Denis, tu vas bien ? Ça va Michel, enchanté. Enchanté. Nouvelle saison qui commence donc. Nouvelle saison, nouveau champion du monde, McLaren, Mercedes, Ferrari, qui va gagner cette année ? Oh là là, je ne sais pas. Ban et Troquet. Nouvelle saison, saison 8. Saison. On a des saisons ? Non, on n'a pas de saison. Il n'y a plus de saison. Normalement, si vous êtes malin, vous pouvez deviner quand est-ce qu'a commencé Ban et Troquet, avec peut-être la première photo ou la date de la première publication de l'épisode 1. J'en ai aucune idée. Moi, je crois que je sais à peu près. Allez, si tu sais à peu près, je peux peut-être deviner. Je dirais... Putain, j'en sais rien en fait, non. On a commencé il y a longtemps, non ? 2016 ? Je dirais 2019-2018. Ah, ok. Ton CAP, t'as commencé quand ? 2018-2019. Voilà. Voilà, c'est ça les bails. Eh ouais, on est revenu. He's back. On est revenu. On va revenir en force. Toujours plus de motivation, plus d'épisodes. 2 épisodes par mois. Tu peux faire un previously en plus. Previously quoi ? Previously. More time in the Kyrgyzstan. Oh yeah. Et là, maintenant, on sait que t'es vivant. Voilà, c'est vrai. T'es revenu. Putain, je suis revenu du Kyrgyzstan. Merci la vie. Merci tes jambes. Merci mon souffle. Voilà. Merci Martin. Ouais, voilà, c'est bien. Ouais, oui, oui. Pour ceux qui n'ont pas suivi, bizarrement, cet épisode, qui n'est jamais sorti. Si, il est sorti. Il est sorti. C'était le 30e. Mais non. Si. Eh ben, je suis revenu vivant. Ok. J'en parlais ? J'avais beaucoup d'appréhension, non ? C'est moi qui en ai parlé. C'est moi qui t'ai posé des questions comme ouais, là. Ouais, mais t'as même dit que j'allais mourir et tout. T'as fait des références à non, la mort. Non, j'ai pas dit ça. Si, je m'en rappelle. J'ai fait 2-3 blagues. Ouais. Bah, je m'inquiétais. C'est parce que t'as dit ça que je suis revenu. Ah c'est ça, ouais. Ouais, ça m'a motivé en fait. J'étais dans la montagne, j'ai dit putain c'est dangereux, mais je vais revenir pour faire chier Pierrot, tu vois. Pour l'épisode 31. Je sens que tu disais pas ça, tu disais je suis mort, putain, je suis mort, encore un pas. Ouais, je sais pas, en fait t'as tellement de temps de réfléchir, c'est tellement long. C'est une longueur de ouf quoi. Tu pars à 3h du matin, t'arrives à 16h. C'est quoi ces horaires ? C'est vrai que c'est vrai, des horaires de. De fou. Bah ouais, même les gars qui travaillent à la chaîne, ils font pas ça. Hein. Non. Après, si, hein, je sais pas, dans la restauration, tu fais des horaires de bâtard aussi. Hein. Restauration, aussi, hein. C'est pour ça qu'on recrute plus, ouais. À ce qui paraît, ouais. En BTP, la restauration, on en a parlé hier, il n'y a plus personne. Bah, peut-être les gens, ils ont pas envie de faire des métiers pénibles qui niquent leur life, quoi. Et je crois qu'en plus, ils sont pas bien payés, en fait, c'est exact, ça. Exact, en plus. Mais bon, est-ce que l'argent fait le bonheur ? On ne sait pas. Oui, en tout cas... Pas d'argent, c'est pas... Non, mais c'est des boulons, on te parle mal, tu sais. Ouais. On dirait que c'est normal, tu vois, c'est comme ça. Ouais. Genre, on te dit, mais oui, le chef, il parle mal, c'est... Normal. Ben, ouais. T'es une merde. Ouais, qui se fait enculer, peut-être. Pardon. Non. Ouais, oh là là, c'est première... Pardon, excuse-moi, c'est une incas... Alors, est-ce que tu pourras mettre un bip ? Bien sûr que non. Merci. Voilà, bip ! Non, non, mais c'est dinguerie, quoi. Allez, le contexte. Épisode 31, nous sommes un vendredi 2 septembre. Magnifique temps. Ciel bleu. Post-braderie, post-fête de l'UMA. Voilà, maintenant vous voyez à peu près où on en est. Mmh. C'est vrai que c'est peut-être le dernier beau temps, dernier beau jour de beau temps avant la fin du monde, avant notre tunnel hivernal pour... On ne sait pas, parce que vu que tu n'as plus de saison, on verra bien. Mais c'est vrai que c'est une belle journée. Et une peut-être ça va journée. Durer, on a souvent un été indien. Il est à peu près 19h19. Ouais, ta belle montre. Hein ? Calez vos montres, sachez quand est-ce qu'on est et où sommes-nous mon petit Martin. Eh bien alors, on a pris un choix radical. Ban et Troquet cette année vient chez vous. Aujourd'hui, on est chez Francky. Voilà. Oui, on vient chez vous quand vous êtes pas là. Laissez-nous vos clés. Et voilà, j'irai faire Ban et Troquet chez vous. Donc voilà, là on est chez Francky, un petit jardin très sympathique, champêtre, au centre de... Pas centre de Lille, en bordure, dans Lille quoi. Vauban, des... bois blanc. Limite bois blanc, ouais, port de Lille, voilà. Port de Lille, la limite. Très beau, avec des poules, un petit chat, une balançoire, un arbre mort. Génial. Ouais. Donc il n'est pas là, hein, ce petit cochon, il est au Brésil. En plus, c'est la première fois que je viens nourrir son chat. Tout de suite, j'ai nourri son chat qui est adorable. Adorable, il a failli me griffer. Moi, je le savais qu'il griffait. Voilà, moi, je ne savais pas. Voilà. Mais il paraît gentil, il n'est pas gentil, je pense. Mais tu t'es pas douté à chaque fois que j'en dis du mal ? Il dit, mais il est nul. Francky, ton chat, il est nul. Je sais pas, moi, je croyais que tu t'entendais avec tous les chats, du coup. Bah, c'est pour ça, grosse déception. Ouais. Lui, ça marche pas, quoi. Je l'ai gardé tout petit. Tout petit, on s'entendait bien, mais... Ouais. Là, il est grand. Oh là là. Oh là, il a quel âge? Là, il a 18-19, je crois. Mais non, 17. Mais ça peut vivre si longtemps, un chat. Ah, le mien, il a fait 19, hein. Ah putain, tu dis que c'est la fin de Pépé, là? Je dis pas ça. Pardon, pardon. Francky n'écoute pas, de toute façon, cette émission. Ah oui, donc c'est donc bon. Donc, il n'y a pas bon de souci. On est plus sur la fin, effectivement, hein, si on fait des probas. En tout cas, vous pouvez nous laisser vos clés et on peut venir faire des bancs et troquets chez vous. On arrose vos plantes, on nourrit vos animaux de compagnie. Et on fait un banc et troquets. Et on vous prend rien du tout. Ah non, non, pour l'instant, c'est gratuit. On ne sait pas, plus pour tard... Pour l'instant, c'est gratuit, ouais, peut-être voilà. Qu'on va se servir. Oh, dis donc, il est où mon vinyle? C'est nous. Ah, oui, c'est nous. Ah, mais tu sais, il y a quoi dans le frigo? Ah, une petite bière. Bon, on va l'ouvrir. Hein. C'est ouais. Ma BD que j'adore, elle est où? Je sais pas. Mais c'est une modeste contribution finalement, on prend des petits objets chez vous. Ouais, et alors pourquoi on est là? Parce que j'avais repéré un autre lieu et peut-être qu'on ira une autre fois. Exact. Mais sur la route en y allant en vélo, à Martin je lui dis « Ah bah j'ai les clés de Francky, on peut faire ça ». Je pensais que Martin allait me dire non, et au final bah, ça optimise le trajet, ça nous rapproche de l'apéro juste ensuite. On va à l'apéro après? Je sais pas. Oh là là. Je sais pas. C'est bien le vendredi after hours. After. C'est pas ça qu'on dit. After work. After putain. Work. Et comme je travaille plus. C'est clair, tu sais même plus quel jour on était. J'invente n'importe quoi. After hours. T'es un c'est peu... après l'heure en fait. Après l'heure, c'est plus l'heure. T'es un peu comme les geeks. Tu sais, les geeks, c'est des no life. Ouais. Ils s'en tapent, ouais, dimanche, lundi. Ils savent pas l'heure non plus, quoi. Ils vivent la nuit. La nuit, oh putain, il fait jour. Et moi, à l'inverse, je suis un yes life. Ah, ok. Je suis réveillé à 5h50 ce matin. Parce que t'es allé courir ce matin? Ou un vieux, bah non, parce que j'arrivais plus à dormir. Ah ouais. Donc je suis allé courir. Si, je suis allé courir. Un autre truc de Yes Life. 12 km. Ouais. 13. 12. T'as couru comme un dingue. J'ai lu un peu de mon bouquin, Yes Life. Ok. Et après, je suis allé travailler. C'est quoi un bouquin de Yes Man? C'est celui que ta compagne m'a offert. Oh. Barico, Océan Mer. Oh là là, des beaux livres. Ça, c'est vraiment ouverture d'esprit, voyage. Il est bien barré, hein. Ouais, c'est plus de la... on est plus sur de la poésie. Yes, c'est un poète. C'est un poète de la nature. Poète. Non, mais c'est sympa, Barico. Hein. Si vous ne connaissez pas comme auteur. En plus, c'est un livre, Barico, quoi, c'est un auteur, qui m'a remis dans la lecture. Et c'est Marine qui me l'avait conseillé. Ouais. Et je lui ai déjà dit, bah, ça m'a remis dans la lecture. Et je le conseille à des gens qui veulent se remettre un livre à lire. Lequel? N'importe lequel de Barico? Non, c'était Mr. Gwynn que je crois que j'avais. Ah, il est top. Celui-là, je l'avais adoré. Bah, en plus, il est pas très facile à lire. Voilà. Ouais. Mais c'est bien, tu vois. C'est une belle histoire. Bah oui. Je m'en rappelle plus. Mais je sais que j'avais dit waouh, trop bien. Je ouais. Me rappelle plus ce que ça raconte. Bah, moi, à un moment, je me dis, bah, je veux lire que des livres comme ça. Ok. Tellement j'avais aimé. T'as demandé à ChatGPT de te trouver des livres ou. Non, non, après, je fouille sur des blogs. Il y a des librairies aussi, hein, tu sais. Ouais, ouais, des libraires, c'est vrai que les libraires sont de bons conseils. Oula, Pépé, il arrive, il va me dire qu'est-ce que vous foutez dans mon jardin, je vais vous pisser dessus. Pépé, c'est le nom du chat. Hein. Oui, c'est pas le joueur de foot, à ne pas confondre. Et c'est pas votre grand-père non plus. Ah oui. Oh putain, Pépé, il va nous pisser dessus. Pépé, il nous surveille, quoi. Le tigre, c'est un chat, comment ça s'appelle? C'est un chat avec des longs poils. C'est un... chat de merde. Non, c'est une race, ça. Persan? Peut-être. Faut vraiment, j'adore les chats. On n'est pas spécialiste animaux quand même. On les aime bien, mais on est un peu nuls quand même. Après, ouais, c'est un chat de gouttière, c'est un bâtard. T'es sûr? Ouais. Ah, non, c'est. Ah, je l'ai là. J'allais Full Moon, mais c'est pas ça. Il n'y a pas une race de chat qui ressemble à Full Moon, mais c'est pas Full Moon. Maine Coon, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ouais. Un faux Maine Coon. Ouais. Un Maine Coon de petite taille, quoi. Là, j'allais dire un truc, mais je le dis pas, tu vois. Ah ouais, parce que t'as déjà dit le E-word. Ouais. Et c'est super dur la rentrée, hein. Donc c'est la reprise, Martin est un no life, je suis un yes life. Yes, c'est parti. Donc plein de dynamisme pour ma part. Et la journée, franchement, c'est quand t'as peu dormi, ça a été, mais j'ai l'impression que t'es un peu sous. Oui, je vois. Tu vois, un peu défoncé. Il y a des études qui disent ça, que quand tu as peu dormi, c'est comme si t'étais... ton cerveau, il développe l'hormone, le truc de l'alcool, quoi. Tu vois quoi. T'inquiète. Comment ça s'appelle? Ce qui fait qu'à un moment, j'avais pas de sous étudiant et je voulais boire. Je voulais du coup, je dormais plus. Je dormais plus. J'arrivais en soirée. J'étais complètement éclaté. Puis bon, bah, je parlais à personne, hein, comme si j'étais complètement éclaté. Ah putain. C'est vrai, difficile, hein. À doser. Hein. Oui. C'est beau. Bon, on revient avec la patate. Hein. Bah ouais, ça va. En fait, il y a toujours, quand tu reprends après un mois de vacances ou trois semaines, ça dépend ce que vous avez pris, les congés d'été, il y a déjà la phase, moi, je commence mes congés, il me faut un petit temps pour dire, t'es vraiment en vacances, là, et te couper, il me faut une petite phase. Et après, il y a la reprise. Et ça fait une phase encore. Ah ouais, ouais, ouais. Et déjà, moi, je reprends jamais le lundi, je reprends le mardi. Ça, c'est un gars sûr. C'est Yes Man, ça aussi. Ça. C'est réalité life. Hein. Je sais ce que je fais. Et il y a deux, trois jours où tu dis, putain, en fait, c'est ça mon quotidien. Tu pourrais faire des semaines de 4 jours qui commencent le mardi plutôt que de finir le vendredi. Je préfère travailler le vendredi que le lundi, ouais. J'avoue, c'est pas mal. Moi, je me rappelle qu'à une époque, avec mon coloc, on bossait pas le lundi et on kiffait. Tu vois, tout le monde démarre sa semaine. Et toi, tu vas pas, quoi. Et après, c'est un vrai plaisir, tu vois. Mais plein de trucs qui sont fermés. Tu sais, tu dis, ouais, je vais faire mes papiers ou des trucs. Il y a plein de trucs fermés le lundi, non ? Si, si, il y a beaucoup de commerce, ouais. Ouais. La boulangerie, déjà ? Bohème Records. Bohème Records, fermé le lundi ? Ouais. Alors, en fait, c'est que des gens qui savent, en fait. On n'ouvre pas le lundi. Mais tu vois, démarrer ta semaine après tout le monde, c'est mieux que de la finir avant tout le monde. Mais il y a un petit côté stressant aussi. Ah ouais. Tu sais, il y a un côté tout le monde y va. Ah, t'es pas légitime. Ouais, où tu te dis, faut... tout le monde fait quelque chose, faudrait pas moi. Que... Peut-être que je... Donc ça va, 24 heures après, tu y seras. Tu vois, pas... C'est ça. C'est le chômage où c'est plus compliqué. Le chômage, ouais, tu ouais. Tu fais ouais. Rien lundi, rien mardi, rien mercredi. Bah le truc, c'est... Mercredi, apéro. Ah, on peut commencer, ouais. Mais c'est surtout que tu sais pas quand est-ce que ça va se terminer et qu'à un moment, t'auras plus de thunes. Ouais. C'est ça, enfin, si tu sais, il y a une date, hein, France Travail, tu les appelles, ils te vont te dire quand t'as plus de thunes. Mais il y a un côté excluant. Vraiment avec le chômage. Moi, quand j'étais au chômage, je trouvais que j'étais, je sais pas, pas exclu, mais pas, ouais, comme tu dis, pas légitime. Ou... Bah, du coup, moi, je suis là, dans cette phase, hein. Enfin, je suis intermittent, du coup, j'ai un travail, mais pas tout le temps. Mais là, tu dois trouver un nouveau rythme. Ouais. Une autre mais façon. Du coup, je rénove une maison, j'arrive à m'occuper. Je rénove une maison, j'arrive à m'occuper. Ouais, ouais, j'ai répété parce que Pierrot m'a dit de m'approcher du micro. J'ai montré le micro, ouais, désolé. Sauf que... Oh putain, il y a un autre chien, il y a un chien blanc. C'est Pépé. C'est un tigre. Il y a la relève, elle arrive là. Vas-y. Il s'en fout. Il s'en fout de tout, de toute façon. C'est un nihiliste ce chien, putain de nihiliste. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Mais j'ai senti, là, Martin, là, tu travaillais pas, il y avait un petit côté... Ah, j'ai envie de faire un truc. Ah ouais, ouais. Là, j'ai envie de faire un truc. Ouais. Genre le chien qui a besoin d'aller je se promener, qui a tourné faire. Dans sa ouais, maison. Ouais, ouais, carrément. Tout à fait, tout à fait. J'ai ressenti. J'ai repris la course à pied, le vélo... Le cani... Canicross. Canicross. Je cours avec mon chien, ouais. Sur des terrains de motocross. Ouais, uniquement en mode démonter, des descentes, des halfpipes, tout ça. Le canicross pratique très, très bobo. Hein. C'est hyper bobo, ça, ou c'est sportif, tu vois, je sais pas. Bah, c'est pratique. Je sais pas si c'est bobo non plus, tu vois, canicross. Non. C'est pas bobo. Est-ce que avoir un chien, c'est bobo ? Je sais pas. Hein. C'est des questions. Tu sais, je me demandais tout à l'heure sur la route, parce que avec un ami à qui je faisais l'escalade, il veut plus trop faire l'escalade, et du coup, il me dit. T'es chaud toi l'escalade ? Je fais, mais si tu veux mec, on fait de l'aviron. Et là, tout à l'heure sur la route, je me dis, mais l'aviron, est-ce que c'est bobo ? En fait, j'ai pas envie de faire des pratiques trop bobo, et en même temps, on s'en fout, tu vois. Ah bah oui, tu s'en fous, tu fais ce que t'as envie de faire. Mais je trouve que l'aviron. Tu trouves ça bobo ? Bah non, je pense pas, non. Moi, je trouve que c'est un truc de staccanoviste, quoi. Un truc de. Staccanoviste. Bah, travailleur, tu répètes. C'est répètes. Con en fait, faire de l'aviron. Bah après, ça te muscle partout, quoi, mais. Sur la deule. Je sais pas si tout le monde connaît la deule. Parce que, en fait, attends, dans nos statistiques, on peut voir d'où viennent les gens qui nous écoutent. Ah bon ? Ouais. Mais ils sont beaucoup lillois quand même, bizarrement. Mais attends. Oui, mais c'est pas grave qu'il n'y ait pas de courant, tu vois, pour faire de l'aviron. Non, c'est que c'est pas beau. Mais en fait, si c'est beau, il y a des gens qui trouveraient ça beau. En fait, c'est nous, on est toujours dans le même décor. Du coup, moi, je trouve ça joli. Ouais. Ok. Bah, tu pourras me faire coucou. Tu veux faire de l'aviron ? Peut-être. Teste une fois, ouais. Bah, peut-être. Moi, je cours à côté. Où je suis en vélo, tu sais, comme dans les films. Et je fais putain de bande de salopards. Si vous voulez avoir votre diplôme et devenir pro, va falloir ramer. Ah. Tout ça en anglais, bien sûr. T'es un gentil coach, toi. Ou en finlandais. Tu sais parler aux gens. Bah. Finlande, très bon la Finlande. J'ai envie d'aller en Finlande. C'est vrai ? J'sais pas. Il y a des armes à feu là-bas. Ah ouais ? Ouais. Mais il y a une meuf, il y a une journaliste il n'y a pas longtemps qui a parlé de la Finlande. Non, c'est ça, t'as vu un reportage là-dessus, non ? Non. Ok. Genre, on imagine que la Finlande, ça tue. Parce que, genre, c'est le. Ils ont gagné le classement des pays les plus heureux du monde. Ah bon ? On va un peu... y a pas trop de fil rouge hein, sur cette émission. Mais ouais, c'est le numéro 1. La France, on est 35e. Finlande numéro 1 ? Ouais, ouais. Mais on est derrière des pays improbables, hein, la France. C'est ouf. Mais en fait, ils ont un taux de suicide élevé quand même. C'est ça qui est bizarre. Bah oui, parce que il n'y a pas de lumière là-bas. Tu peux être Yes Life, mon gars. Il fait noir. Enfin, 10h, il fait encore nuit. Moi, je suis Yes Life, ma gueule. Putain, ouais. Mais ils sont ouais, le pays le plus heureux du monde. Ils Pépé, sont... si tu pisses sur ce sac, je te tue. Et en même temps, ils sont forts à Counter-Strike. Ah ouais? Ah ouais, ouais, ouais. Ah, du bon genre, Finlandais. Les Finlandais, c'est les Counter-Strike. Pays nordiques, ils sont forts aux jeux vidéo. Mais ils tuent des gens, Counter-Strike, c'est pas bon. Oui, mais c'est bon, ouais. C'est virtuel. Hein. Tu crois que je récupère mon sac ou pas? Non, regarde, il se frotte, il l'aime bien. Ouais, mais s'il pisse dessus, je suis dans la merde. Bah, tu le laveras. Hein. Non, mais ça pue de ouf, mec. Ah ouais, ça pue de ouf. Je sais pas, c'est fait en quoi leur pisse, mais c'est violent. Non, regarde, il fait des câlins et tout. En fait, ça doit sentir le chien, ton chien. Elle doit bien aimer, je sais pas. Peut-être. Il doit bien aimer. Attends. Il adore mon sac, c'est vrai. Ah, il adore ton sac, ouais. C'est incroyable. Il fait plus de câlins à ton sac qu'à un être humain, quoi. Alors qu'il a pas vu. S'il a croisé des êtres humains, puisqu'il y a. Mais il veut les frapper. Il veut les griffer, pardon. Depuis un mois, il a vu 4-5 personnes différentes venir Noël, mais il a caressé personne. Il y a que Francky qui le caresse. Ah, il est horrible. Ouais, on fait une parenthèse, on admire ce chat. Hein. Vraiment, c'est magnifique. Attends, du coup, oui, ils sont forts. Attends, tu disais. Non, Counter-Strike, tu tues des gens. Oui, c'est quand même ultra violent, je trouve. Mais j'adore. Hein. Non, Counter-Strike, mais... j'ai joué il y a 20 ans. Bah, au oui, début de Counter-Strike, quoi. On dirait les gars qui, sur GTA. Non, mais GTA, les jeux vidéo, en fait, les gens, après, ils deviennent fous. Ils braquent des voitures, ils tabassent des gens. Tuent, c'est de la violence. Ouais, tu veux pardon. Être cette personne-là? Non, mais t'as dit que les Finlandais, c'était des. T'as dit aussi un truc. J'ai juste dit qu'ils avaient des armes. Voilà, et derrière Counter-Strike. Pour s'entraîner, c'est pas mal quand même. Il te faut des morts. Voilà. Ça, c'est... Headshot. Headshot. Ça met des points. Mais ouais, ouais, c'est fou. Hein. On a toujours pas regardé notre liste de sujets. On avait tellement de choses à se raconter, quoi. Tu sais, il y a eu un petit fil rouge Yes Life, No Life, quoi. Puis c'est la rentrée, tu sais, on se représente, on monte nos cartables, on monte notre trousse de toilette. De toilette. De toilette pour chat. J'étais en internat. T'étais en internat? Non, j'étais pas en internat. Je me suis fait trousse scolaire, je me suis trompé. Ma trousse de... Nouveau cartable? Nouveau cartable. Nouvelles chaussures? Toi, t'avais on a, ça? On a rien de nouveau. Hein. Non, non, non, c'est cliché les gens qui avaient des nouvelles chaussures. Je pense que les gens qui avaient beaucoup des nouvelles baskets, c'était à l'Aïd. Je sais pas pourquoi j'avais des potes à l'Aïd, ils avaient des nouvelles baskets. Mais à la rentrée, t'en avais pas qui avaient de nouvelles... Ça, je sais que t'avais souvent nouvelles trousses, nouveau cartable, nouvel agenda. Fido Dido, tu connais. Mais non. Tu connais Fido Dido? Oui. C'était, t'avais pas des trucs, au moins un stylo Fido Dido? Non, c'était mes cousins, mais j'avais rien. Ah ouais. T'avais rien, toi? Toi, t'avais des cahiers, toi? Toi, t'arrivais à l'école et t'avais même pas de chaussettes? Tu fais les cahiers premier prix. J'avais rien qui dit. C'est la page, elle était pas blanche, elle était un peu marron. Mais arrête. Tu mens. Oh non, il ment pas. Pardon, le regard est... Non, non, j'avais... J'avais ma liste... Parle pas sur le micro. J'avais ma liste de fournitures à acheter, là, qu'on faisait juste la veille avant de rentrer. Mais après, t'avais le truc avec l'école où tu pouvais payer directement à l'école pas cher. Ah bon? Bah oui. Avec le truc de l'union des profs, je sais pas quoi. Parents et d'élèves. Ah oui, la PEP ou la FCPE. Exactement. Bah, mon père était... un de ses parents d'élèves, quoi. Mais non. Si. Alors, ça va cette année? Tiens, tes nouveaux livres. Tu sais ce qu'il me faisait? Non. Oh là là, c'est un ouf. Il était délégué des parents d'élèves de ma classe. Il a été ça pendant 2 ans. La honte. Et mon père est un syndicaliste. Et mon père, il faisait des comptes rendus des conseils de classe, mais genre une page complète, détaillée, où il racontait un peu tout. Il restait quand même politiquement correct, tu vois, il n'y allait pas trop fort. Et il me demandait de distribuer ça à tous les élèves dans la classe, oh là là. Comme si j'étais en train de tracter et tout. C'est dur. Ah, ça me gênait un peu, quoi. Mais après, il avait travaillé, hein, il a fait son devoir. C'est fou, tu viens d'y repenser. C'est un mec consciencieux. Ah bah ouais, ouais. Et il était Peps ou FCPE? FCPE, il était chez les bons. Peps, c'est les... C'est la droite? Ouais. C'est vraiment droite et gauche aussi? Il y a un petit truc comme ça, ouais. Waouh. Mais... En fait, le monde est divisé en deux catégories, quoi. Et surtout, pour ramener les livres, tu sais, au lycée, tu ramènes tes livres et tu... À la fin? À la fin, et puis t'en reprends les nouveaux pour l'année ouais. suivante, tu vois. C'est vrai. Il y a leur truc. Mon père, comme il faisait ça, c'était à l'autre bout d'Amiens, et on y allait à pied à porter nos livres avec mon frère. Trop de livres, il y avait ce débat là. Alors qu'il c'était... pouvait les prendre dans sa voiture, nous les échanger, nous les récupérer, parce qu'il était sur place à donner le coup de main. Il n'était pas là pour vous aider. Non, il dit non, non, les gars, vous allez... À la dure. Vous allez venir. C'est un communiste. Au coup de ceinture. Karl Marx. À la dure. Ouais, c'est... Bon, après, pas à la dure, mais Oui, responsabilisé, tu vois. Genre, j'avais besoin de ma carte d'identité quand j'étais, je partais en Angleterre, tu sais, au collège. C'est hyper bien de responsabiliser les enfants. Il m'avait dit, bah, tu vas aller faire ta carte d'identité, tu vas à la préfecture. Tu te débrouilles, quoi. Du coup, j'ai pas de phobie administrative, tu vois. J'ai un peu stressé quand j'étais petit, mais... C'est peut-être pour ça que tu fais ce métier-là aujourd'hui. Chanteur. Une chanson, Pierrot. Non, non, non, je remplis pas la SACEM. Oh non, non, non, non, non, c'est toi qui le fais. Oh non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Putain, toutes tes compos, quoi. Putain, je veux bien le faire si tu veux. C'est vrai? Bah, il y en a pas beaucoup, de toute façon. J'essaye de retenir un peu les thèmes en même temps ce qu'on raconte. C'est vrai? Vas-y, c'était quoi les épisodes l'épisode 30? Non, non, 30. Ah. Bah, je me rappelle, il y avait Vla et Vla. C'est vrai? On écrit ça? C'est moi qui ai écrit ça. Et toi, t'as fait. Oh, oh, oh. Ah oui, non, ça va rien dire. C'est pas une thématique. Non, ça va rien dire. On était à Méridil? Oui. Ouais. Bon, on avait parlé des géants. Oui. On va pas reparler. Oui, oui, oui. De toute façon, il y avait le thème, les géants. En tout cas, je voulais remercier. Les géants. Quoi? Mais ils sont au musée des Beaux-Arts, là. Une des thèmes pour Fiesta, c'est ça. Si. C'est incroyable. C'est fou. Hein. Ouais. Et comment il s'appelle? Il s'appelle Martin. Lidéric Épinaire. Lidéric Épinaire. Épinaire. Oh non, encore du légume. Mais non, c'est du pinard, pas des épinaires. C'est drôle. On dirait vraiment, tu sais, un conte fait par un Acarquois. Et d'où d'un coup, la bière. Il a bu la bière. Il a bu la bière. C'est bien. Bon, c'est parfait. Est-ce qu'on accueille nos nouveaux auditeurs? On a deux nouveaux auditeurs. Bienvenue. Et on en a perdu deux. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Et bonjour, merci. Salut, Stavo. Putain, on avance bien quand même. Merci à tous de nous suivre. N'hésitez pas à écrire des commentaires. Non, mais il y a des nouvelles personnes qui écoutent. Ouais. Qui écoutent souvent en conduisant pendant leur trajet. Et qui nous font des retours en disant que j'ai passé un bon moment. Et nous, ça nous fait plaisir, ça nous motive à continuer. On a même des réclamations pour faire des nouveaux épisodes pour des exploits sportifs, par exemple. On nous demande, on nous dit, est-ce qu'on peut pas refaire combien d'heures il veut? 5 heures. 5 heures, ouais. Par contre, il aura peut-être pas avant son départ, mais... Il va avoir 1h30. Mais sachez qu'on prend plaisir, nous, à discuter. Hein. C'est un bonheur. Et après, on débrief, on fait allez, ciao, salut, à la prochaine. Et après, on a parlé de quoi? On sait même plus. Ah ouais, ouais. C'est pour ça que je vous disais que j'essaye de retenir les thèmes qu'on a évoqués pour pouvoir se le dire. J'ai un petit thème qui traînait de la dernière fois. Allez, sans regarder le téléphone, quoi. C'est vraiment un truc que tu voulais nous en parler. Je l'ai en tête. Allez, c'est parti. Mais je l'ai en... Je vais essayer d'écouter. C'est un peu ma nouvelle... Tu vas pouvoir réagir, t'inquiète. Ça marche. Mais non, écoutez, me concentrer, tu vois. Ah oui, fais de ton mieux, hein, Martin. Allez, go. Et donc, mon thème, tu sais, c'est un peu un truc un peu débile parce que... Ça m'énerve en même temps parce que c'est un peu un truc pour râler, tu vois. Et il y a un podcast qui est un peu connu et qui est que sur cette thématique qui s'appelle le Podchias, où en gros ils font que de râler, tu sais, de se dire les trucs qui les énervent, tu vois. C'est pas la plume et le masque? Non, c'est beaucoup. C'est des jeunes, tu vois. C'est des gars. En fait, comment plus cher? Podchias. C'est moche comme mot. C'est canadien ou quoi? Je sais pas, mais ça fait vraiment un peu vieux con réact au bout d'un moment. Okay. Donc peut-être, j'y ai pensé avec ce thème-là, peut-être que mon thème est un peu réact. Okay. En fait, c'est un truc débile, mais c'est quand je vais courir, très souvent, non pas très souvent, mais parfois tu croises des mecs qui se mettent torse nu pour courir. Ah ouais. Et ça m'agace. Ça m'agace, je me dis, mais ça va, on est à Lille, il fait pas 50 degrés, pourquoi tu te mets torse nu? Est-ce que moi. Mais ils sont costauds, genre ils veulent montrer qu'ils sont costauds ou même pas? C'est kiff-kiff. Okay. Ils ont chaud, du coup ils se disent, j'enlève mon t-shirt, tu vois. Et je me dis, mais est-ce que j'ai envie de te voir torse nu? Ouais. Pas forcément, non, que je pas, ou pourquoi il y a un côté j'impose, mais en même temps tu vas te dire pourquoi je râle sur ça, mais ça m'agace à chaque fois. Je fais putain, mais casse-toi. Non, c'est vrai, moi je m'en fous. Alors après, il n'y en a pas tant que ça, si. Après, toi tu cours dans l'île, quoi. À la citadelle, ouais. Ouais, voilà. Donc, après, c'est... Ouais, après ils sont. Il y a un côté, je veux me montrer aussi, je pense, là-bas, du coup. Ouais, non, je trouve ça bizarre, tu vois. Parfois il faisait 23 degrés, je fais bah, c'est bon quoi, mais à Marseille, j'en sais rien. Oui, non, mais je pense qu'il arrête de te mettre torse nu. Et qu'est-ce que tu pourrais faire pour communiquer avec ces gens-là pour leur dire stop? Je les regarde pas. J'ignore. Waouh. Et tu penses qu'ils le prennent mal? Ils aiment bien qu'on les regarde peut-être. Je sais pas. Si non, tu mais veux, on peut après, courir avec mon chien, il va les mordre, hein, si tu veux. Ah oui, ça je veux bien. Le téton. Mais je crois que j'ai jamais trop aimé. Moi, j'aime pas me mettre torse nu. Je crois que je l'ai déjà fait une ou deux fois, tu sais, il y a longtemps. Mais j'étais pas du tout à l'aise en fait. Et je me disais, mais pourquoi je fais ça en fait? Mais même quand je dors, tu vois, moi je dors pas à poil, je dors avec un marcel. Ah ouais. Même quand il fait chaud, quoi. Ouais, même quand il fait chaud, j'ai l'impression, je sais pas, j'aime pas. Il faut vraiment qu'il fasse très très chaud pour que je dorme. Même je dors pas à poil, je dors en calbut. Bon, voilà, c'est un autre débat. Ouais, waouh. On mais va tout savoir, en fait. Après, je préfère que tu aies un débardeur et un calbut qu'un débardeur et pas de calbut, tu vois, bizarrement. Ah ouais, ouais. Je trouve que tu aurais pas d'allure en débardeur sans calbut. Vaste débat. Hein. Bah, je sais pas. Oui, mais j'ai un problème avec le torse nu. Merde. Qu'est-ce qu'on va faire ? Bah, grand sujet. Je sais pas comment rebondir. Peut-être parce que je suis pudique, hein. Bah, je pense qu'il y a un lien avec ta pudeur, ouais. Ouais. Bien sûr. Et après, je trouve que dans l'espace public, laisse les gens tranquilles. Et puis surtout, il y a, tu sais, la mode aussi de ces danseurs qui dansent torse nu en boîte de nuit. Il y a eu pas mal de sujets là-dessus. Ah oui, oui, oui, c'était des ils mecs. Ils ont même un nom. Je sais plus ce que c'est le nom. Mais limite, un peu bien bodybuildé. Là, c'est vraiment musclé, ouais. Ouais, et ça devient un peu facho, ouais. Quoi. Exact. Ça peut aller. Et un peu, ils parlent mal aux meufs. Un peu, tu vois, on les aime pas trop. Tu vois, très mascu, quoi. Ouais, ouais, ça, c'est dehors. Moi, je l'ai bien. J'ai pas de boîte de nuit, hein, mais. Je t'avoue, est-ce qu'il y a le côté mascu qui m'énerve ? Peut-être aussi, mais vraiment, je crois que c'est juste... J'ai pas envie de te voir, dégage, quoi. Oui, puis t'as raison, il fait pas si chaud. Et même, il y a des gens, dans des pays où il fait 45 degrés, ils sont pas torse nu, quoi. Enfin, faut se protéger du soleil là-bas, peut-être. Aussi. Bien sûr, il faut mettre de la crème. Hein. Ah, Francky. Hein ? Francky, t'es au Brésil, il prend pas. Des coups de soleil. T'es sûr qu'il écoute pas ? Non, c'est sûr qu'il écoute pas. Je suis sûr qu'il a écouté une fois. Tu crois ? Ouais, parce qu'il avait fait un retour, genre, vous parlez de moi. Mais on lui a dit qu'on avait parlé de lui. Parle de ta future vengeance. Que tu auras trois coups de danse. On est bien, c'est pour une danse. Waouh. On dirait que c'est Aya, mais en fait, c'est Louise Attaque. Mais tu remixes. Et AKH, quoi. C'est ouf. AKH ? Akhenaton. Ah ouais, ouais. C'est AKH. AKH. Attaque. Louise Attaque. Louis. Parle de ta future vengeance. Trois coupés de silence sous le drapeau noir obscur. De la force. Ouais. Alors, tu danses ou je t'explose ? Bah ! Allez, solo violon. Léa. Pas terroriste. Putain, elle est anti-terroriste. On va sortir un album, attention. Attention les fadas. Bon, voilà, c'était un petit thème que j'aimais pas trop. Magnifique. Mais vraiment, il m'agace. Mais au final, je me suis fait une autocritique en disant bon, t'es peut-être un vieux con. Parce que je repensais au podcast que j'évoquais, la Potias, où je trouvais que c'était mais un vieux con. Mais tu suis plus Potias. Pourquoi t'as suivi Potias ? C'est nul. Quoi. J'ai c'est juste écouté une fois et puis je. Parce que des bons podcasts, il y en a vraiment beaucoup, quoi. Oh non, ouais, non, j'ai pas écouté. Hein. J'ai juste entendu un petit bout, puis j'en ai parlé avec un copain. Puis il y a un côté, t'aimes bien détester, tu vois, ceux que t'aimes pas. Ah, bah oui. Moi, ouais, le masque à la plume, ça me régale tout le temps. J'écoute ah, par pas contre, souvent. Par contre, c'est bien ça. Ouais, ça me régale. J'ai dit, mais ils sont fous. Ils sont fous, hein, ces gens. Ils sont complètement fous. Mais comme j'aime bien le ciné, j'écoute un peu en décalage. Mais ils sont de droite, le masque à la plume, quand même, non ? Je sais pas, bon, ils sont un peu... Ils sont vraiment un peu, réac, quand même, non ? Sans faire le... Ils ont un petit côté parisien, quoi. Je crois qu'ils ont fait une grève la dernière fois. Et ils ont dit, bah nous, on fait masque à la plume sans public. Ah ouais ? Ils l'ont fait quand même, ouais. Tu vois, ils s'en branlent un peu. Peut-être du... qu'ils veulent juste choper leur petit billet, tu vois. Bon, ils s'en branlent, quoi. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant, quand même, que... Il y en a un qui dit c'est bien, j'ai aimé. Il y en a toujours un qui va dire qu'il a quand même aimé, malgré tout ce qui va pas. Et tous les autres défoncent. Ils défoncent. C'est 1-5, quoi. C'est toujours ça. Ça me fait rire. C'est ouf. Genre, bah, je vais pas y aller par plusieurs façons. C'est de la merde. Voilà. Il y en a qui. Et l'autre, il a, bah non. Moi, je trouve que là. Bon, bref. Jean-Louis Lecard de Nouvelle Obs qui nous dit que c'est de la merde. Ouais, en sortie. À toi, Sylvie de Libération, qu'est-ce que tu en dis ? C'est de la merde. C'est oh de bah la tiens. Chiasse en fait. Heureusement que j'ai pas payé pour voir ce film et que je suis payé pour regarder des films de merde. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Un bon cachacha ou une mojito m'aurait fait plus plaisir que cette chiasse. Quoi. Mojito. C'est bien Sylvie de la réac de Libération. Ah oui, il faut dire les accents. Il faut que je dise tout avec l'accent. Ah ouais, c'est ah super non, chiant bah la oui. Vie en fait. Une currywurst, ça vous va comme ça ? Vraiment, cette ambiance hitlérienne qu'il y a sur France Inter. Ah, ça a changé, hein. Ah, oh là là, génial. T'écoutes France Inter ? J'écoute plus. Ok. Et... Quand j'écoutais plus trop, mais c'est... C'est l'enfer. Hein. C'est de la merde. C'est l'enfer. C'est l'enfer de la mode. Ouais. C'est vraiment super. Moi, j'aime bien écouter Radio Nova, du coup. Ah bon ? Ah ouais. Oui, oui, ils sont tous partis là-bas. Bah ouais, puis il y a de la musique, c'est sympa. Beaucoup de musique. Mais il y a beaucoup de pubs, non ? Oui, mais bon, et tu préfères écouter la merde ou des pubs ? J'aime pas la pub. Ouais, j'avoue, c'est complètement con. Moi, j'ai écouté une heure et demie de pub et franchement, quitte à écouter de la merde, autant écouter de la pub. Et donc, si c'est au sens littéral du terme, ça serait chelou, quoi. Que des ploufs pendant une heure. Moi, j'adore les bruits blancs. Ah ouais, moi, j'adore les bruits des ploufs dans les toilettes. On a déjà parlé des bruits blancs. Tiens, c'était une théorie. Ouais. Thématique, pardon. Ouais, on a déjà parlé, ouais. Et t'aurais un conseil podcast, Pierrot, pour nous ? Bah, moi, j'écoute pas de podcast. Hein. Ah ouais ? Je t'avoue que je me suis endormi en écoutant un truc sur le... Putain, comment ça s'appelle ? Le football américain. Qui s'appelle Touchdown. Mais t'écoutes des trucs improbables, quoi. Bah, j'écoute un truc, en fait, pour dormir. Après, ça doit être cool hein, de se passionner pour des trucs que tu t'en fous. Non, enfin, c'est assez bizarre, quoi. Ben non, parce que, en fait, j'écoute ça parce que je m'en fous un peu. Ouais. Ce qui fait que j'écoute ou ça m'intéresse assez pour que je sois attentif, mais assez pour vite fait en avoir rien à foutre et m'endormir. Tu vois, si ça commence à être un truc vraiment bien, et ben mon cerveau, il fait « Ah il oui, va, bah ouais !» Il va écouter, tu vois. Ou sinon, si je vais m'arrêter en plein milieu, je ne sais plus où je vais m'arrêter et donc je serai un peu dégoûté. Tu vois, j'ai comme toi, on aime bien écouter des trucs nuls pour s'endormir, ouais. Du coup, j'écoute aussi des trucs de NBA, tu vois, j'aime bien les NBA, mais je pense que j'écoute 10 minutes de l'épisode, je ne sais rien du tout, quoi, ou 5 minutes. Ouais, ça me fait penser que moi, il n'y a pas longtemps, par exemple, je me suis levé à 4h du matin. Allez. Yes, man. Yes, man. Yes, man. Et du coup, je suis descendu et je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai dit, bah, je vais mettre Arte. Tac, je regarde, si Arte. Et tous les trucs qui étaient bien, que j'avais vraiment envie de regarder, je me suis dit, bah non, faut un truc pas bien. Et j'ai trouvé les animaux lents. Super reportage sur les animaux lents. Pour t'endormir ? Ouais. Oui, voilà, ouais. J'étais en bas, et bam, ça a dit le paresseux. Le paresseux, et bam, tu t'endors tranquille. J'ai tenu jusqu'à la tortue. La tortue aussi, la tortue terrestre de Namibie. Voilà. Mais voilà, c'est des bons conseils, tu vois. C'est très bons conseils. Il faut prendre un podcast mi-bien, mi-nul. Ouais. Mais par contre, ça dure 45 minutes, je crois. Ouais. Et du coup, après, il t'enchaîne avec des trucs qui potentiellement peuvent être bien que tu maîtrises plus. Ah, mais là, faut dire non, tu enchaînes pas. Ah, ouais, mais tu peux mettre l'option. Et du coup, je me suis réveillé sur la Suisse sauvage et ça m'a passionné. Je te jure, c'est vrai. Il était 4h30, j'ai dormi 20 minutes. Non, il était 5h30, je sais plus, il était quelle heure. Mais genre, il disait la Suisse sauvage. Et j'étais là, hein ? J'ai ouvert un œil, j'ai dit pourquoi pas la Suisse sauvage ? Il y a aussi. Il y a la Suisse normande, non ? Il n'y a pas ça ? Ça, ou c'est la en France. Ouais. Ouais, ça, c'est en dessous du Cotentin. Ouais, Cotentin. Cotentin. Cotentin au tableau. On aime bien Cotentin. Cotentin au tableau. Mais madame, c'est Corentin, moi. Cotentin au tableau. C'est pareil, en fait. Tu te tais, Cotentin. 10 km. Mais la Suisse sauvage, ouais, c'est vraiment suisse et c'est très beau. Mais en fait, c'est très cher, la Suisse. Et ça, t'as pas réussi à dormir après ça ? Bah, j'ai regardé un bout de Suisse sauvage, quoi. Je sais pas, j'ai vu une grosse vache. C'est vrai, non, mais elle était vraiment énorme, la vache, quoi. Y a rien de... Wow. Non, mais elle était vraiment énorme. Wow. Ouais, c'était une vache énorme, quoi. C'est quoi ça? Exact. Elle est grosse. Et t'as, genre, t'as mis pause ou t'es revenu en arrière en disant wow. C'est quoi ça? Elle doit avoir 4 bébés. Non, mais c'était impressionnant, elle était magnifique. Et après, je sais pas, j'ai dû me redormir. Mais je sais pas, la Suisse sauvage, le titre, il m'a intrigué, tu vois. Non, mais après, il y a des trucs moins sauvages qu'une vache, quand même. Plus sauvage, pardon, qu'une vache. Non, mais tu sais que je comprends ce que tu dis sur la vache parce que pendant les vacances, j'étais à la montagne et il y avait des vaches et parfois je les regardais, je me disais, c'est quand même sympa une vache, quoi. Ouais, c'est incroyable. C'est cool, quoi. Ouais. C'est gentil, ça te regarde, c'est pépère. Après, il y a des gens qui ont peur des vaches. Mon frère, s'il y a une vache sur sa route, il va faire demi-tour. Ah, il est pas fan. Mais, non, peur. Ah ouais? Ouais, ouais, genre t'es en randonnée, il y a une vache, il fait waouh, je sais pas comment je vais faire. Tiens, la vache elle est sur le chemin, il fait waouh, bah fini la rando. Ok, back to. On rentre à la maison. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais, il peut pas passer la vache, quoi. Mais non. Je te jure. Parce que je dis en rando, il y a quand même un peu plus de problèmes qu'une vache, quoi. Ouais, ouais, bah il y a le patou. Bah voilà, ouais, tu te dis, ouais. Tu vois un mouton ou tu vois le patou, ça l'arrête aussi. Hein, en fait, toutes les bêtes, ça l'arrête. Bah les oui, grosses il bêtes. Il aime pas les chiens, quoi. Ouais, mais il y a une vache, quoi. Bah une vache, ça le tétanise. Tu vois, à la rigueur, je me dis des chevaux, tu sais, parfois quand ils sont grands. T'as peur du coup de sabot oui, derrière. Oui, pas le poney Shetland, quoi. On l'aime bien, le poney Shetland. Mais les vaches. Bah ouais, bah y a pas des vaches. Ok, bon, bah, c'est un nul. Et je peux te dire que la Suisse sauvage, elle a des vaches. T'as pas envie de les croiser. Putain. La fameuse... Et Fatos, quoi. Putain, faut aller chercher une bière. Vas-y, j'y vais. Tu veux que j'aille? Non, je sais pas quoi dire. Ça va me mettre trop de pression. Bah, je pense que t'es capable de chanter un truc. En bah, plus, il reste plus beaucoup de temps, non? Et on peut peut-être faire un épisode de 1 heure, hein. Ah ouais, on peut faire ça, quoi. Non, on peut pas. Bah, c'est chercher à moi de la musique, quoi, toi. C'est à toi d'aller chercher une bière. Non, mais la musique, à la fin. Bah, tu m'as dit que t'avais un morceau de prêt. Normalement, c'est à moi. C'est vrai. Et normalement, tu m'as dit que c'était t'avais mais un mais il truc. Peut être à l'épisode 32, ça peut être... Non, non, bah, du coup, j'ai rien préparé. Je me suis dit, il a préparé ses devoirs. Non, mais il est trop bien, ce morceau. Vous bah, allez voilà, voir c'est après. Pour ça tu vas l'oublier après. De quoi ? Enlève ton casque, hein. Oublie pas d'enlever ton casque, sinon t'embarques tout. Je reviens. Voilà. Donc Martin s'en va directement dans la cuisine. Alors il s'en va en courant. Hop là, il a réveillé le pépé. Et surtout, Martin a un casque. Donc pour la première fois depuis 31 épisodes, il entend ce qu'il raconte. Et nous, on a fait une expérience cette année. Je crois qu'il y a du fromage dans le frigo. Super. Et cette année, on a fait une expérience. C'est que sur l'enregistreur, on a nos deux micros. On a essayé de mettre un micro d'ambiance. Bon, là, il n'y a pas beaucoup d'ambiance puisqu'on est dans le jardin de Francky, est très calme. Mais nous verrons la prochaine fois s'il y a du bruit. Donc c'est un test. Sachez que vous êtes en pleine expérimentation. Que Martin... vous savez, dommage qu'il n'y ait pas de caméra parce que Martin était rigolo. Quoi. Mais il regardait en l'air en faisant la bière. Il va vite remettre son casque. Pour pas... Donc voilà. Il y a un micro d'ambiance. Vous voyez, là, je parle dans le micro et je vais parler dans l'autre micro. Et c'est là, picouloupilou. Et voilà, c'est deux micros différents. Ça ne sert peut-être à rien, vous ne verrez aucune différence. Bah si, je pense que la qualité du micro, un SM58, et ça, c'est pas le... Ça n'a pas le même son, quoi. Je pense que là, on a un meilleur son avec un SM58, qui est un peu le micro-champ de... connu de tous les techniciens son. Champion de karaoké. Donc voilà, mon petit thème, Martin. On fait de la pub d'ailleurs, SM58, merci, sponsor, nouveau sponsor. Pardon, nouveau sponsor. Excusez-nous. Voilà, les micros, on les paye plus. On a un micro par épisode, voilà. On va cartonne. J'espère qu'il a... On les jette, les micros, ça, c'est des micros jetables. Allez, santé. Merci pour la bière. De rien, c'était un plaisir. Je vais me faire accrocher par Pépé, mais... Ouais, tu l'as réveillé. Et bah voilà, vous voulez attaquer mes thématiques vu qu'il reste plus rien de comme temps. Si si, il reste assez de temps, t'inquiète. J'avais trois questions. Les trois questions, c'est le thème. Bah tu vois, en fait je me suis dit. Ok, bleu, Olympique Lyonnais, chat. C'était non, ça c'est pas ça. En fait, je sais pas comment amener les choses, mais en fait, si j'étais journaliste d'investigation aujourd'hui, tu vois, bah, je commencerais toujours par bonjour à mon invité, un peu comme tu vois Léa Salamé aujourd'hui, elle pose des questions super intéressantes, notamment avec Marion Cotillard. Sur bah vous êtes plus en... t'as pas vu ce truc? Non. Ah putain, t'es pas sur les réseaux. En fait Léa Salamé qu'on déteste presque tous en fait maintenant aujourd'hui. Ouais. Elle a interviewé Marion Cotillard. Ouais. Elle lui dit bah voilà votre film sort dans 3 semaines et là elle l'arrête. Marion elle lui dit mais en fait non c'est l'année prochaine. Elle lui dit ah ok pardon tout. Une dernière question, on va s'arrêter là-dessus. Vous étiez le meilleur Coupe du Monde avec Guillaume Canet, vous êtes plus ensemble. Est-ce que ça va? Mets-le de ton cul, quoi. Elle lui dit ça comme ça. Ah ouais. Et là, t'as bloqué. Elle a fait, bah, ça va, merci. Et vous? Et genre, tu vois dans ses yeux le regard de haine, tu vois, genre... Mais ah, quel... bien joué, parce que... Genre, c'est la fin de l'émission, quoi. C'est que... genre, alors, t'es plus avec ton mec, ça va? Et elle lui a renvoyé, et vous? Ouais. Parce que c'est Guxman, son mec, en plus. Raphaël Guxman, qui veut se présenter au présidentiel... Pourquoi ils sont plus ensemble, non plus? Si, si, ils sont ensemble. Ah. Mais ça lui veut dire, en gros... Comment ça va avec Glucksmann? Toi aussi, t'es une personnalité publique et en plus, ton mec aussi est une personnalité publique. Ah, ok, ok. Toi, il y a un côté. Mais il y avait vraiment des flammes dans son regard, quoi. À Marion ou à Léa? Marion, Léa, elle s'en fout, elle est complètement con. Bon, je crois qu'on l'aime plus, hein. Mais qui aime Léa Salamé? Je connais pas trop son passé, mais je suis con. Elle est en train de virer de la droite, hein, je peux te dire. Avec tout ce que je... C'est le journaliste d'investigation qui commence. Je peux te dire qu'elle est de droite. Hein. Voilà. J'ai dîné avec elle, pas plus loin qu'hier. Oh non, elle était pas cool. Enfin, moi j'étais là sur la table d'à côté et j'ai écouté. Non, mais c'était pas ça. C'est genre, est-ce qu'on pourrait pas commencer une investigation de terrain par ça dit quoi, c'est comment, ça vient d'où? Alors là, je me suis dit, prends-en de la graine et Élise Lucet, tu vois, là, elle peut en prendre de la graine, tu vois. Elle a pas capté la profondeur de ces trois questions. Mais ça, c'est parce que tu dis que c'est un truc sur internet qui est sorti plein de fois. Ça vient d'où? Ouais, ça vient d'où? Ouais. Ou c'est comment? Ouais, mais les trois, moi, tu vois, ça vient d'où? Facile. C'est comment? Et ça dit quoi? Mais ça, c'est des codes, c'est, okay, c'est le langage de la rue. Ça veut rien dire ou quoi? Si, ça veut dire. Vas-y, bah réponds. Et si t'as pas la rhétorique? Bah, en fait, c'est du français, en fait. Genre le gros Gérard Larcher. Vas-y, on dit, vas-y, je suis Gérard Larcher, là, je suis en train de prendre petit déj. Okay. Vas-y, dis quoi? Bonjour Gérard, ravi de vous rencontrer. Trois questions rapides. Monsieur Larcher. Monsieur Larcher, pardon, excusez-moi, ouais. Monsieur Larcher. Ça dit quoi? Comment ça dit quoi? Bah, bonjour Monsieur Larcher, ça dit quoi? Ça dit voilà. Ok, c'est comment? Comment quoi? Bah, c'est comment? C'est comment le Sénat ? Bah, c'est très grand, puis mon petit-déj, c'est génial, puisque j'ai mangé 14 œufs durs. Ouais, il mange beaucoup. Hein. Ouais, surtout, les photos de lui, c'est oui, avec sa table, avec le petit-déj, avec 14 000 assiettes. Quoi. Et enfin, Gérard, ça vient d'où ? De la cantoche. Ça vient du Loir-et-Cher, cette petite bourgade où j'ai été sénateur pendant 37 ans et je suis président maintenant du Sénat. Tu fais très mal Gérard Larcher en fait. Tu sais même pas comment il est. Bah, il est pas, déjà de par toi, ça. Toi tu vas faire de la grossophobie. Après ton E-word, tu vas faire de la grossophobie, tu vas l'imiter, vas-y, imite-le. Voilà. Voilà, c'est simple. C'est fou. Pas de la grossophobie. C'est pas non. Bah non. C'est lui, comme ça, en train de manger, il y a encore des boulettes du midi. Je comprends qu'il soit détestable, mais pas le physique. Mais il parle pas comme toi, il parle pas comme nous. Bah non, bah il parle pas, c'est comment, c'est, ça vient d'où, quoi. Bon, d'accord, c'était... En fait, j'avais juste envie de dire, prends-en de la graine et des UC. C'était ça, tu voulais faire un mic drop, quoi. Ouais. Mais en fait, t'as raison, pourrait pas, ça marche non, pas. Non, après, c'est vrai... Il y a un langage de la rue, voilà. Avec plein de codes ou tu des ferais trucs. Comme l'autre qui s'appelle J'irai dormir chez vous, là, dans la street. Ah ouais. Tu vois, c'est j'irai dormir dans ton quartier, mais tu pourrais arriver comme ça. J'avoue qu'il y a un double truc. Il y a un truc où je trouve qu'il y a c'est une petite poésie, mais il y a un autre côté où parfois, je trouve que c'est un peu gogolito et c'est un peu des moutons qui se répètent, où ça répète toujours la même chose. Tu vois. Oui, parce que t'es pas obligé de répondre à ça dit quoi, c'est comment, ça vient d'où, tu rigoles et tu vois, ne réponds pas à la question. Ça manque un petit truc, tu vois. Et c'est ça qui, parfois, je trouve que c'est un peu dommage. Voilà, c'est... Mais parce que des fois, tu croises quelqu'un, tu dis ça va, et il te répond ça va, et personne ne se répond. Ça t'arrive aussi, ça, non ? Ça va, ouais. Tu croises quelqu'un dans la rue, ça va ? Ouais, après c'est un langage. Je jette mon téléphone loin, j'ai l'impression que tu n'importe quoi dans... avec ton micro. Hein. On entend. C'est comme ça. Ouais, en fait. Bah alors, moi c'est Pierrot. Ouais, c'est Michel. C'est dans quoi ça ? C'est drôle. Ça. C'était un sketch qui était sur Instagram. C'est génial. Où le mec épelle toutes les lettres. Il dit O comme ouais, c'est Michel. Ah oui, c'est ouais, j'adore. Par contre, c'était pas une vraie thématique, hein, du coup. C'est pas très drôle. C'est pas très drôle ? Non. Je change. Bah non, mais c'est fini là. L'émission elle est finie. Non, vas-y, parle encore. Ok, bah je vais encore parler. J'ai arrêté de fumer. Une nouvelle fois. J'avais arrêté avant la montagne. Ouais, pardon, les gens le voient pas, mais je levais la tête genre. Oh. Ouais, j'ai un peu arrêté quand même là. Ouais. Ça depuis... fait une semaine. Et ben j'ai découvert que c'était en même temps que Douli. Douli, elle a arrêté de fumer. Voilà. Les petits culs. Ça va, mes petits culs ? Ah, c'est un moment parce que tu m'as envoyé un sketch. Bah oui, c'est drôle. C'était bien écrit. Ça donne, pas, ça donne envie d'arrêter de fumer, tu vois. Elle est drôle, cette meuf. Elle me fait rire. Ah ouais, moi je pensais. C'est pas une thématique en fait. Mais elle est drôle, non, Julie ? T'aimes pas ? Si. Mais sa chronique, elle donnait l'impression que ça faisait 6 mois, tu vois. Oui, ah, ça va. Oui, t'as raison. En fait, toi, t'es un investigateur ou quoi ? Hey, c'est bon, être ok ici. On ment en fait. On ment, Jean. Bien sûr qu'elle apparaît en même temps que moi. Ça crépite. Ça crépite, on est d'accord ? Je jette mon téléphone. Voilà. C'est le téléphone, c'est fou hein, les ondes. On est désolé alors pour les enregistrements, on pourra peut-être pas couper ce bruit blanc. Je leur ai dit que qu'on était en test. Profitez-en pour dormir avec quoi. Ouais. Avec un bruit blanc. Enfin, endormez-vous avec. Bah, si vous après, je vais mettre un morceau là bientôt, mais c'est pas grave. Bah, après, s'ils s'endorment, ça veut dire que ça les a à moitié intéressés. Donc on est dans les podcasts, genre mi-intéressants, qui ah, oui. permettent de dormir. Les fameux. Ah tiens, je dors plus, je vais mettre Barry Troquet. Ah, l'épisode 30, il est bien, ouais, pour dormir, il est top. Putain, je me voyais bien chez Francky. Ah ouais, on l'a pas dit, Francky, bah, c'est un raid jardin. Voilà, il a un grand jardin. Mais si on l'a dit, j'ai dit qu'il y avait ah des ouais. poules. Et tu sais qui sait pas ? T'as vu que c'était tout tondu et tout. Quelqu'un l'a fait ? Mais c'est pas. Hein. Oh, ils sont gentils. Hein. Mais ça se trouve, ils ont peut-être coupé des trucs qu'ils voulaient pas qu'ils coupent, tu vois. C'est ce que je me suis dit, moi. Bah, ils ont coupé la pelouse, quoi. Ouais, mais y avait peut-être... Ah, là, il y avait un potager, tu crois ? Bah, il y a pas non, de potager, pas de potager. Ils ont coupé les tomates. T'imagines ? Et l'arbre, oh il est mort, non ? Le lavandier. Oh non. Oh non. Il avait 15 ans. Un lavandier. Il était plus jeune que Pépé. Jeune merde. Pardon. C'est pas les chats en général, c'est juste Pépé. T'es un amoureux des chats, de toute façon. On le sait. Hein. Épisode 7, il parle des chats. Épisode 12, il parle des chats. Épisode 17, il parle des chats. Et donc, Martin... Comme tout podcast qui se respecte, on finit par une musique. Donc quelqu'un qui écoute le podcast régulièrement se dit « Ah, c'est l'heure de la musique, donc je sais que c'est la fin. Ouais. » Attends, on a fait un conseil culturel ? T'as un conseil culturel ? Bah, t'avais proposé le livre de Baricot, toi. Ah ouais. Début. Ouais. J'en après, avais une qu'est-ce autre. Que je lis ? Qu'est-ce que j'écoute ? Ah oh, bah vas-y. C'était une BD. Ah, mais je... Ouais, non, vas-y. Je garde pour la prochaine. Bah non, tu vas le dire juste après. Ok. On serait qu'on a le temps, on peut faire un épisode de plus de 45 minutes. Ouais. Ok. Donc moi, c'est une bande dessinée. Sauf si vous dormez, vous n'aurez pas la fin du podcast. Ah ouais, après... Stop, vous faites dodo. Voilà, vous vous rappelez, vous êtes à 44 minutes. Stop, vous faites dodo. Il va dormir. On est bien sous la couette au jeu des temps. Et donc, ça, la BD, c'est La Distinction. Oh là là. Ah ouais, ça n'a pas l'air marrant. Tu vas voir, ouais, ouais, ça fait un peu un télo et tout en plus. Ouais, parce que c'est tiré d'un livre de Bourdieu. Oh là là. Sociologue. J'ai connu, hein, j'ai fait bac ES. Voilà, je pourrais pas en parler des tonnes, moi. J'ai l'impression qu'il était top, ce mec-là. Mais bon, j'ai un doute. Ouais, bah, plutôt de gauche, pas comme le Léa Salamé. Ouais. Et donc, La Distinction, c'est en gros, c'est une BD qui parle des lycéens et c'est au lycée, tu vois, c'est retranscrit la théorie de la distinction de Bourdieu. Ouais. Putain, c'est comme c'est il y a longtemps. Tu peux pas sortir de ta classe sociale, ça. Ouais, Bourdieu. Exactement, il y a un côté comme ça, ouais. Où t'as un capital économique ou un capital culturel ou les deux ou tout ça. Et tu peux pas en sortir. Et il y a une forme, ouais, voilà. Et c'est hyper intéressant. Et comme t'es au lycée, c'est le moment où t'as le plus de mélange. Sociologique entre guillemets, sauf quand t'es dans le lycée de zone scolaire où au final c'est les mêmes gens qui sont ensemble et de plus en plus on va vers ça, mais en tout cas c'est hyper intéressant parce que ça tu t'interroges toi-même sur quel capital culturel quoi, sur ta classe, sur ces choses là sur les codes. C'était hyper intéressant, moi je me rappelle le lycée, ça m'avait j'avais trouvé ça trop cool quoi. Et en plus Bourdieu c'est pas toujours facile à lire et du coup la BD elle permet de rendre ça hyper accessible. Elle est disponible à la bibliothèque. Oh, trop bien, c'est à côté de chez moi. Voilà, bah faut aller à la réserver parce qu'elle est bien demandée. Ça remarche ou pas le système? Ça remarche. Ok. Ça remarche fort. Parce qu'on a eu un problème à Lille, pour ceux qui ne savent pas. Bug internet. Non, on s'est fait pirater. Pirater. Et du coup, on pouvait plus échanger de livres entre les bibliothèques. Poutine voulait tous les livres du petit ourson d'un coup. On lui a dit non, il y en a 22. Tu peux en réserver que 15 d'un coup. Et il a fait péter le serveur. L'enfant, non, je vais tout plein. Très mauvais accent. Très, très, très mauvais. Ah, oui, je suis fatigué, j'ai dit. Hein. Je suis Yes Life. Non, tu l'as dit 5h40, je suis fatigué. Ok, ok. Bah, bonne nuit. À moi. Voilà, à toi, ouais. Attends, on en a fini ton sujet ? Bah, c'était juste conseil culturel, c'est bien. Alors, moi, c'était conseil culturel à ne pas voir. Voilà. Il ne faut pas aller voir tous les films de Ari Aster, réalisateur cauchemardesque pour moi et ma. Et moi. Moi et ma conscience. J'étais encore allé voir le film qui s'appelle Eddington. J'avais déjà vu Beau Is Afraid et c'est l'enfer. Voilà. Je vous déconseille tous ces films-là. Pourquoi ? Parce que c'est cringe. Je sais pas si on dit encore cringe. Non, c'est plus. Hyper malaisant, c'est hyper malaisant comme truc. Bref, voilà, il met Joaquin Phoenix dans des états et je peux plus entendre Joaquin Phoenix quand il joue le. Tu vois, il fait une voix. Ah un peu, oui, oui. Tu sais, il est toujours dans la souffrance. Il le refait. Ah oui, oui, je vois. Je peux plus, j'en peux plus. Voilà. Mais en plus, j'ai failli aller le voir ce film avec Frankie. C'est vrai ? Oui. Putain, mais vous avez été mal à l'aise de fou, quoi. Mais pendant les vacances ? Parce que j'avais eu, avec mon anniversaire, UGC, pas sponsor, mais ils m'ont offert des places pour mon anniversaire. Pas sponsor UGC, ils ont refusé ? Non. Ah, j'étais pas au courant. Mais ils m'ont offert des places pour mon anniversaire quand même. Oh, sympa. Et du coup, je voulais emmener Francky, sortir le petit au cinéma. Allez, viens, sors de ta banlieue, toi. Allez, ça, c'est la mer. Ça, c'est un cinéma, t'as vu ? En fait, quand il n'y a pas la lumière, on voit pas toutes les taches de merde qu'il y a dessus, sur les fauteuils. Mais regarde, la lumière, elle s'allume. Regarde, tu t'as regardé un film sur un chewing-gum ? Un chewing-gum de 72 ans. C'est beau le cinéma. Hein. Et donc, il avait l'air de faire moins peur que les autres. Et toi, tu m'en as parlé, tu as fait l'enfer. Horrible. Ouais. Mais parce pas que autant les que acteurs, Beau Is Afraid. Il déchire en plus. Enfin, Joaquin Phoenix, à part quand il joue pour Ari Aster, il est bien. Et l'autre acteur qui est connu, que tout le monde adore, Pedro Pascal. Il n'y a pas de prénom. Pedro Pascal, il a un prénom. Ah, il n'y a pas de nom. Pedro. Son prénom, c'est juste. Pascal. Pascal. Pedro Pascal. Pedro. Pas de Pascal. Pas Pedro. Pascal. Mais par rapport à Beau Is Afraid. Brutal. Pascal Brutal. Par rapport à Beau Is Afraid, c'est pire ? Non, c'est pas pire. Parce que rien ne peut être pire que Beau Is Afraid. Ah ouais. Non, mais ça. Mais tu t'y retrouves tout de suite. C'est long. Tu passes 45 minutes à dire il va se passer un truc ou pas, en fait. Et la musique avec des violons, des trucs, on te fait peur alors qu'il se passe rien. Et d'un coup, il déclenche la violence. La violence. Je vais pas vous spoiler. Mais à un moment, ça part en couille. Mais pas comme. C'est ambiance Covid, non ? Il n'y a pas un truc comme ça ? Ah, si, exactement. Totalement. Ouais. C'est carrément ça. Mais tu sais, c'est pas comme genre Tarantino. Ça pourrait être Tarantino, c'est trash. Oui. Et c'est drôle. Et genre, ouais. Là, c'est trash. Et tu fais. Mais pourquoi tu fais ça, quoi ? T'es triste pour les gens qui. Joaquin Phoenix, t'es toujours triste pour lui, quoi. Il fait pitié, quoi. Mais encore. Enfin, voilà, n'allez pas voir ça. Allez, on passe à la suite. Non, mais du coup, pour finir sur le fil rouge, Ari Aster. C'était le côté masque la plume de Bon et Troquet. Ouais. Toi, tu dis oui, moi j'ai dit non. Moi, je dis que je dis heureusement que tu m'as dit que c'était nul, sinon j'aurais pu. C'est pas que c'est nul, c'est que c'est ma cringe. Non, mais surtout, je t'avoue que moi ça me casse les pieds. 2h30 en plus, ou 3h, je sais pas. Si tu regardes ta montre au bout d'un moment, tu fais allez, vas-y. Ah, mais on a hésité à partir. On a hésité à partir. Et du coup, attends, qu'est-ce qu'elle t'a dit, Marine, sur ce film? Elle a fait. J'ai vu. Tu peux. T'as plus le droit de choisir les films, Martin. Ah oui, j'ai plus le droit. C'est moi qui ai choisi ça, putain. Alors en fait, vous voyez la bande-annonce de ce film-là. Ça a l'air cool. On dirait ces deux gars qui se battent pour la mairie au milieu des États-Unis, d'un petit village. Et tu penses qu'ils vont se tirer dessus, se tabasser. Bref, ça va partir en couille. Mais il faut 1h30 pour que ça arrive. Et quand ça arrive, tu veux pas que ça arrive comme ça. C'est. Enfin, bref. Mais je suis d'accord avec toi parce que Boys of Red, tu vois que c'est chelou, que c'est malaisant. Dès le début, dès la bande-annonce, tu peux le voir. Ouais. Eddington, c'est pas le cas. Boys of Red, je suis sûr que moi, la bande-annonce, pareil, je pensais que c'était bien. Mais toi, de toute façon, tu te feras plus avoir. Maintenant, tu regardes le nom du réalisateur. Je choisis plus les films. Donc, ça problème réglé. C'est fini. Voilà. Martin, ton petit conseil musical pour se quitter. Putain, mais ça va être long. Alors. Attends, juste. Hey. On fait une émission bien plus longue. Pour c'est vraiment pour notre cycliste préféré. Voilà. Allez, là, t'es parti de Marseille. T'es sorti de Marseille, là, à mon avis. J'espère. Hein, parce que sinon, t'as pas avancé, en fait. Là, t'es en train d'attaquer une côte. Mais tu sais qu'il a écouté en plus en dormant à moitié. Ça se trouve, il va s'endormir parce qu'il va trouver cet épisode mi-nul. Et il va avoir un accident. Ah, parce que. Oh oui, mais je suis bête. Il va pas l'écouter, en plus, dès le départ. Mais non, il écoutera quand donc il là, sera c'est dans la le nuit. Dur. Ouais, c'est là de la terre en haut. Ouais. T'endors pas, t'endors ça va aller, pas. Ça va aller. Si vous êtes en voiture, faites une petite pause si vous avez mal à la nuque. Parce que c'est le conseil musical. Ça va être quoi? Alors, le conseil musical d'aujourd'hui, c'est quoi? Ou c'est pas un conseil, c'est la musique qui termine cette émission. Ah oui, mais il faut l'écouter, c'est le meilleur morceau. Alors, je regarde le titre, mais le rappeur, l'artiste, c'est John Wayne. C'est un cow-boy. Non, c'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait, son grand-père s'appelait John Wayne. Et vraiment, il s'appelait John Wayne. Et John Wayne, l'acteur que tout le monde connaît, ne s'appelait pas John Wayne. Tu savais? C'est un pseudo, en fait. En fait, son grand-père, c'est le vrai John Wayne. Alors que John Wayne, il s'appelle pas John Wayne. Voilà. Quoi, c'est pas une bonne anecdote, ça? Si, c'est une très bonne c'est anecdote. C'est une super anecdote. Ouais. Genre, en fait, l'acteur John Wayne, connu par tous, ne s'appelle pas John Wayne. Voilà. Il s'appelle Pedro Pascal. En fait, John Wayne, c'est un grand-père, c'est un Renoir, en fait. Voilà, c'est pas du tout ce blanc cow-boy du tout. C'est un gars cool. Et donc, le titre Afraid of Us, sorti en 2017. Putain, il y a encore Afraid, quoi. Oh, putain, ouais, j'ai pas fait exprès. Il est trop beau, vous allez voir, vous allez écouter tout l'album. John Wayne, aujourd'hui, il a arrêté. Il est youtubeur, mais pareil, apparemment, c'est bien. Mais j'ai juste envie de vous laisser écouter ce truc-là. Et écouter tout l'album. C'est magnifique. Super album. Super chanson, je l'écoute 10 fois par jour. Allez, on se quitte avec ce coup de cœur et on se dit à très vite. Gros cœur. My nephew was born. Broke my damn heart when I wasn't informed. It made me think about my life and my order of operations. I was drunk at a show and fucked my boy set up. It was a blessing when he checked me at the check-in. I ain't been the same and I'll never forget it. Thank you, D. I've been a burden to my people and alienating fans. Just thinking they would never understand. It's the wavelength bringing us together in a way. So I should be more open to two-way. And if I ever did you something dirty, I do pray I get another chance, but this karma catching up in a true way. Yeah. I've been so caught up in the lack of acceptance. I never focused on the man to accept. And if it's too late for a formal apology, I accept it. And if it's too late for a formal apology, I accept you think me less of what I am, but maybe that's a blessing. I just hope that I can spread my message A to Z. All I can say is put it down. Your position been compromised. Everything has a beginning and an end. I'm no glory, take it dead or alive. In ruts fucked up off such and such as thus to speak up. You're afraid of us. Yeah, so put it down. Put it down. Now your position compromised. Everything is a beginning and an end. I know glory to take it dead or alive. In ruts fucked up off such and such as thus to speak up. Afraid of us. All my life I was looking for love. Found it in Florida under the too hot sun. Took it for granted, started to run. Became the man I would gun. But now I'm looking down the barrel of one. On my knees when I heard she could see. My skin was empty. Please wake me when the self-hatred is done. And I try, but she reminds me of what I've become. I thought I knew myself, but that no one is done. I just hope she still sees my love. And for that, I just hope these old songs take off. I need a house and a rack for every leaf of grass on my big ass lawn. And as I see my family progress, all I want is a daughter or son. Been around the world playing rapper is dumb. Fulfilling fantasies of a teenage me. And at the end, it's my people bringing joy to the one. Some advice, don't you ever lose sight about where you're from. A to Z. All I can say is put it down. Your position been compromised. Everything has a beginning and an end. I know Gloria take it dead or alive. Ha. In ruts fucked up off such and such as thus. Because you're afraid of us. Yeah, so put it down. Get it in. Now, your position been compromised. Everything has a beginning and an end. I know glory to take it dead or alive. Ha. In ruts fucked up off such and such. Look at these people, counting on me when I can't even count on myself. Look at these homies, so sure of me when I'm not so sure of myself. I need help, but I'm too damn proud to stop the progress now. I need to slow down, but I need a good friend to come and tell me how. Yeah, look at these people, counting on me when I can't even count on myself. Look at these homies, so sure of me when I'm not so sure of myself. I need help, but I'm too damn proud to stop the progress now. I need to slow down, but I need a good friend to come and tell me how. Look at these people, counting on me when I can't even count on myself. Look at these homies, so sure of me when I'm not so sure of myself. Yeah, I need help, but I'm too damn proud to stop the progress now. Yeah, I need to slow down, but I need a good friend to come and tell me how. Look at these people, counting on me when I can't even count on myself. Look at these homies, so sure of me when I'm not so sure of myself. Yeah, I need help, but I'm too damn proud to stop the progress now. Yeah, I need to slow down, but I need a good friend to come and tell me how. Look at these people, counting on me when I can't even count on myself. Yeah, look at these homies, so sure of me when I'm not so sure of myself. I need help, but I'm too damn proud to stop the progress now. Need to slow down, but I need a good friend to come and tell me how. Look at these people, counting on me when I can't even count on myself.